17h-18h30, Made in Tazon, by France Bleu Berry. Le petit pot de beurre, vous connaissez ou pas? Le pardon? Petit pot de beurre, quand tu des petits pots de beurre riz auras-tu? Vous pouvez le faire ça ou pas avant de partir? Moi je savais faire le gros gras gris grain d'orge là, oui. Non, le petit, non, pot, le de petit beurre, pot de beurre. Non, le petit pot de beurre, quand tu des petits pots de beurre riz auras-tu? Non, je suis désolée, bon. Je vais m'entraîner, je reviendrai à 18h. Voilà, merci, à tout à l'heure, 18h. Bonsoir mesdames, messieurs, et merci d'être là pour les tazons avec nos amis ce soir autour de la table. Je suis ravi, heureux, comme à chaque fois, et c'est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons notre chanteuse, comédienne, humoriste, pro. Mélanie Dis, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs. Comment ça va? Ah bah la grande forme, toujours moi. Bon, un petit peu pris, j'ai l'impression quand même. Ah, une petite sinusite qui pointe à l'horizon là, avec voilà, l'humidité qui arrive. Ça s'entend légèrement. Et puis, il est nouveau dans l'équipe, en tout cas pour moi cette année, pour la nouvelle formule des Tazons. Il s'appelle Nicolas Tavares, c'est le rédacteur en chef du magazine Carré Barré. Je suis ravi de le recevoir ce soir, bonsoir. Ouais, bonsoir Pierre. Et merci d'être là avec nous sur France Bleu Berry. Dans un instant, chers amis Tazons, comme à chaque fois, nous allons parcourir un petit peu notre pays. On va partir dans le Tarn ce soir, tiens. Vous connaissez un petit peu ce département ou pas? Un petit peu. Oui, dans les grandes lignes, on va dire. Dans les grandes lignes, très bien. C'est quoi les grandes lignes? Les grandes lignes, on y passe, le Tarn. Est-ce qu'on y mange, ce qu'on y boit, ce qu'on y Tarn, voit? C'est quelque chose comme Albi, non? C'est quelque chose comme Albi, effectivement, qui est la préfecture d'ailleurs, oui. C'est vert, c'est sympa. C'est un petit peu vallonné, moins que l'Aveyron qui est à proximité, limite. Ouais, c'est la même chose. Mais c'est quasiment pareil, c'est vrai. Effectivement. Allez, dans un instant, donc, on ira dans le Tarn et vous allez devoir trouver pourquoi, évidemment, durant une minute. Alors, Mélanie dit ce qu'on a un peu le principe. On va vous l'expliquer dans un instant, Nicolas Tavares. Et puis, il va se passer plein de choses, comme à chaque fois, jusqu'à 18h30 dans cette émission. Made in Tazon, vous êtes les bienvenus. 17h-18h30. France Bleu Berry, Made in Tazon. Voici les Innocents côté musique avec un homme extraordinaire. C'est pour les souvenirs. Ça, c'est les années 80. C'est sur France Bleu Berry, vous êtes les bienvenus. Sans connaître les raisons qui ont poussé cet homme. Quelqu'un de toujours poli, qu'il soit heureux ou qu'il soit triste. Sans donner d'importance à la chance de voir cet homme ce soir, qui rentre un peu moins tard. Ses enfants aiment leur père avec une impatience qui le laissera vieillir juste après leur enfance. Un monde solitaire, il court, il avance un autre ciel. Leur apprendre à ne pas compter les heures qui s'enroulent et qui meurent, que leur dire viennent sur terre juste pour y répandre un peu d'amour et quelques cendres. On se souvient. On se souviendra de ce qui Les Innocents sur France Bleu Berry avec un homme extraordinaire. La revue de presse des Tazons sur France Bleu Berry. C'est donc notre premier rendez-vous du soir avec nos invités du soir également, Mélanie Dis et Nicolas Tavares, qui nous font le plaisir d'être là. Alors, notre revue de presse des Tazons, c'est toujours l'occasion de découvrir des personnalités atypiques, des pratiques incroyables, des sports insolites et tout ce qui peut sortir de l'ordinaire. Ce soir, je vous emmène du côté de Lavore, dans le Tarn, où devait nous attendre normalement Thierry Cabanis, qui est l'organisateur d'un championnat du monde un peu particulier. Alors, comme on le disait tout à l'heure, ces routes, alors c'est vrai que c'est très vert par là-bas, mais très vallonné en même temps, et peut-être que les relais téléphones ont un peu de mal à fonctionner, à passer, donc du coup on n'arrive plus à voir Thierry Cabanis. Ou peut-être qu'ils ont le quart d'heure chez eux, parce que nous on a le quart d'heure Berrichon. Oui, donc c'est peut-être le quart d'heure Tarné, hein, je connais pas hein, pour le coup, hein, si c'est ça, mais bon. En tout cas, on va quand même évidemment lancer le chrono pendant une minute, et c'est à moi que vous allez poser les questions, parce que bien sûr j'ai bûché le sujet, vous vous en doutez un petit peu, donc je vais pouvoir vous répondre. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un sport qu'on pratique avec des légumes ? Non. Des fruits ? Non plus. Est-ce que ça, il s'agit d'un lancer de quelque chose ? On lance rien du tout. Est-ce qu'on mange ? On mange pas non plus. On boit ? Non plus. Enfin, oui, mais pas dans. Mais pas ça n'a rien ça. À voir avec le. C'est pas la troisième pour... mi-temps. Quoi. Est-ce que c'est un championnat de tombe de gazon ? Je sais pas. Non, ça aurait pu, mais non, c'est pas de tombe de gazon. Non. Comme on l'a dit, c'était très vallonné. Non, c'est pas de pêche. C'est insolite. Ah, c'est insolite. Très insolite. Hein, très insolite, oui. C'est un championnat d'art ? C'est un. Je vais me risquer à dire que c'est une forme d'art, oui. Une forme d'art ? Oui. Ça ne concerne pas les animaux ? Non plus, non. La chanson. Il peut y en avoir, cela dit, en visuel, mais ça ne concerne pas directement les animaux. Ça ne changera rien. C'est visuel. Il n'y a rien de vivant, oui. C'est visuel. Ah, c'est visuel. C'est que vite. Il reste 4 secondes. Ah oui, autant dire qu'on a perdu. Quoi. Bah là, c'est un peu compliqué, ça me paraît compliqué. Alors, il y a du côté d'Albi, au parc des expositions, un salon vintage. Et dans ce salon vintage, il y a un championnat du monde du pull le plus moche. Oh, voilà. C'est loin. Et alors, vous avez des pulls absolument affreux, mais affreux, vraiment. Allez voir sur internet. Je vous ai mis sur la page Facebook les liens. Vous allez voir, il y a des pulls. Je pense qu'il y a des gens qui toute l'année bossent chez eux pour arriver à faire des pulls très très moches. Et effectivement, ça marche pas mal. Alors, il y en a qu'on peut acheter en magasin aussi, hein, parce qu'il y en a aussi des moches. Alors, vous avez par exemple un pull, vous savez, les pulls tricotés avec une tête de cochon dessus. Enfin bon, il y a des choses absolument absolument hideuses, hein, très très moches. C'est une mode à Noël, ça d'ailleurs, hein, de revenir avec le pull le plus moche, les pulls moches. Oui, le moche de Noël. On l'avait fait l'année dernière. Là, c'est ça, le jour visiblement. De Noël en famille, c'est chacun met son pull moche. C'est vrai. Alors, si vous allez sur francebleu.fr et que vous tapez pull moche, hein, vous allez trouver. Vous allez voir par exemple un pull aussi qui est un pull à col roulé. Le truc insupportable. Avec une tête d'éléphant et une trompe qui pend avec des oreilles. Enfin bon, c'est un truc que si vous pouvez. Le genre de truc que je pourrais porter avec fierté. C'est un cadeau pour un ami proche. C'est un cadeau pour un ami proche qu'on n'aime pas du tout, quoi. Voilà. C'est-à-dire que c'est un ami qu'on ne reverra jamais en fait. Hein. Donc si vous voulez vous débarrasser. Non, mais c'est une serpillière. D'un ami. Oui. Non, c'est un gilet, Pierre. Oui, c'est ça, c'est le Père Noël est une ordure, vous l'avez reconnu, bien sûr. Donc voilà, non, c'est un. Effectivement, vous avez des pulls moches dans vos armoires ? Ah oui, moi j'adore. Bien sûr. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire ? Pulls de Noël moches. Oui. Oui. Avec les décorations de Noël, le Père Noël, les guirlandes. Ouais, pas au maximum, mais un petit peu, il y a un peu comme oui. Ça. Ah c'est oui, vrai. J'adore moi. C'est vrai que généralement, c'est vrai. Ah j'adore. Ah oui, quand même. Ouais. Ah oui, puis je suis fière de le porter dans la rue. Hein. Mais pourtant, depuis que vous êtes dans cette émission, vous n'avez jamais mis de trucs moches, hein. C'est pour ça que je... Non, mais ça m'arrive. Ça peut arriver. Je doute un peu, ça pourrait arriver effectivement. Je suis pas trop apprêtée. Enfin voilà, donc le championnat du monde de pull moche, sachez-le, c'est chaque année. Alors je sais pas si cette année la quatrième édition va avoir lieu ou pas, parce que elle est prévue normalement au mois de novembre, hein, lors du salon du vintage d'Albi. Est-ce que ce salon va avoir lieu ou pas ? Pour l'instant, les organisateurs, dont Thierry Cabanis d'ailleurs, que je salue, restent très réservés parce que évidemment Covid oblige, hein, on sait pas trop où ça en est pour l'instant. Mais normalement ça devrait se tenir. Il y avait quand même pour la troisième édition l'an dernier. À préciser, c'est quand même joli, hein. 350 candidats, C'est pas ah mal. Ouais. C'est, et on, c'est... on peut s'y inscrire. Ah ouais. Ah mais tout le monde peut s'y inscrire. Avec un seul pull chacun ou plusieurs. Avec les pulls dont vous m'avez parlé tous les deux, vous pourriez peut-être être dans le trio de tête. Hein, je sais pas. On sait jamais. Des fois, ça peut fonctionner sur un malentendu. On serait très fiers d'ailleurs de ça. Hein, c'est-à-dire que on pourrait en parler sur France Bleu Berry. Vous vous rendez compte? Ça serait génial. Vous restez avec nous dans un instant. On va continuer avec nos tasons jusqu'à 18h30. On revient. Prochainement, jouez et gagnez France Bleu Berry. Eh ben oui, ce sera justement, par exemple, avec le vrai faux des tasons d'ici quelques minutes. Donc, restez avec nous. Une histoire que je vous raconte. Nos tasons nous donnent leur avis. Et puis, vous, chez vous, ben, c'est à vous de décider à la fin si effectivement cette histoire est vraie ou fausse. Et si vous trouvez la bonne réponse, vous repartez avec le cadeau du jour. À tout de suite. France Bleu Berry, votre radio. France Bleu, partenaire de la nouvelle saison de la série Infidèle sur TF1. Emma doute des réelles intentions de Gabriel, qui lui compte bien la mettre face à ses contradictions. Dans le même temps, pour Mathéo, l'ex-mari d'Emma, tout se complique. Sa relation avec Candice, son travail, un nouveau départ serait-il possible? Avec Claire Keim, Tom Leb, Chloé Jouanet, Grégoire Paturel, Infidèle. Demain soir sur TF1 à 21h05. Avec France Bleu, toutes les infos sur francebleu.fr. Prochainement, France Bleu Berry se réveille sur les pistes de l'aéroport de Châteauroux. Ah oui, 197 au Cap Nord. France Bleu crée l'événement. Matinale spéciale en direct de l'aéroport de Châteauroux-des-Halles. France Bleu Berry. Ici, on parle d'ici. France Bleu. Le cancer colorectal est la deuxième cause de décès par cancer en France. Tous les ans, il touche 43 000 femmes et hommes, généralement après 50 ans. Vous avez plus de 50 ans ? Le dépistage du cancer colorectal vous concerne. Simple et à faire chez soi, il permet de détecter la maladie à un stade précoce et d'augmenter les chances de guérison. Un test efficace peut vous sauver la vie. Parlez-en avec votre médecin. Plus d'infos, e-cancer.fr. Une campagne de l'Institut National du Cancer et du ministère chargé de la Santé. France Bleu. L'infotrafic et mobilité en temps réel sur France Bleu Berry. On fait la route ensemble. Ça se passe au 02 54 27 36 36. Faites remonter les informations s'il se passe quoi que ce soit auprès de Christine. Ce soir, n'hésitez pas. Pour l'instant, rien à signaler de particulier sur le réseau routier autoroutier, si ce n'est sur l'A20 dans les deux sens, hein, réduction du nombre de voies entre l'aire des avionneurs et Brion. Soyez prudents. Infotrafic et mobilité en temps réel avec Meubles Séron Cuisine. Cuisine équipée de fabrication française. Esprit cuisine tradition, urbain et zen à Cap-Sud-Saint-Maur. Zazie avec Speed. Depuis le temps que tu dors, ça fait des mois que tu hibernes, que tu sors pas de ta caverne. Tu vibres encore. Zazie avec Speed à l'instant sur France Bleu Berry. 17h-18h30, Made in Tazon by France Bleu Berry. Alors chaque soir je vous donne une info hein, ou une fake news d'ailleurs hein, dans le vrai faux des Tazons. C'est à vous de découvrir avec l'aide de nos Tazons du jour, à savoir Mélanie Dis et Nicolas Tavares, a gagné ce soir le ballon de foot collector France Bleu Berry. Il est superbe hein. Je vous explique un petit peu l'info. Je vais vous donner l'info. Vous êtes prêts? On est prêts. Ils sont sages ce soir. On est attentif. Hier, ils étaient un petit peu plus. Et puis là, ce soir, je sens quand même. C'est que... le début, on est des diesels, hein, faut que ça chauffe. Ah oui, d'accord, très bien. Parce que l'émission se termine à 18h30, hein, donc après, pour. Oui, alors... mais à 18h25, ça va être la méga ambiance, tu vas voir. Allez, l'info, écoutez bien. Aussi inattendu que cela puisse paraître, hein, d'ailleurs, cette info, c'est un restaurant en belge, Burger King, pour ne pas le nommer, qui a demandé au guide Michelin de lui accorder une étoile pour son nouveau burger. Une pétition a même été lancée hein, par rapport à ça. C'est une demande de la branche belge et luxembourgeoise de la chaîne de restauration rapide. C'est pas parce que c'est belge que c'est faux pour autant, hein, je précise. Pour la sortie donc de ce nouveau burger, le Master Angus, la marque américaine, a lancé une pétition en ligne pour demander une première étoile dans le guide gastronomique. Et oui, on l'admet, disent-ils, étoilé ne rime pas avec Burger King. C'est comme ça que commence la pétition, qui a été signée quand même par plus de 700 personnes. Mais elle défend l'hypnotique parfum du burger, son tourbillon de goût. Bon, après, chacun voit. Hein. Prêt pour la dégustation et l'évaluation de l'inspecteur du guide Michelin, a réagi le prestigieux livre rouge qui donne rendez-vous le 11 janvier 2021 pour découvrir sa nouvelle édition donc, du guide Michelin Belgique et Luxembourg et savoir si le fast-food Burger King mérite une étoile ou pas. Et si c'est le cas, ce sera le premier fast-food à avoir une étoile Michelin parce que jusqu'à maintenant, c'est du jamais vu. Est-ce qu'il raconte des histoires, le type? Ou est-ce que c'est une véritable information? Mais du coup, tous les Burger King auraient l'étoile s'ils l'obtiennent. Ah non, là, on parle de... Là, je sais pas. C'est un Burger King bien c'est particulier. C'est juste un parmi... On parle de la branche belge et luxembourgeoise. Donc, on sait pas combien il y a de boutiques chez eux, mais... Je ne sais pas. Donc, ça pourrait être vrai, parce que... Là-bas, après tout, pourquoi pas? En France, non, je pense pas, mais là-bas, si c'est que là-bas, peut-être. Moi, je dirais que c'est vrai, ouais. Avec une petite larme au coin de l'œil pour ceux qui font des burgers maison. Il y a de plus en plus de restaurateurs qui s'amusent à ça. Et qui s'y amusent bien. Et qui s'y amusent très certains, bien. Oui. Parce qu'il y en a qui sont très bons. Oui. Hein. Moi, après, c'est peut-être pour prendre le contre-pied un peu de tous ces guides... Ils font la plus alors temps. Là, le monde culinaire va être secoué hein, si on accorde ça. Enfin, moi, quand même, ça me ferait un peu mal de voir une étoile de la Michelin quoi. Ouais. Sur la porte d'entrée d'un fast-food. N'importe quel label, d'ailleurs. N'importe quel label, effectivement. Oh, ça serait quand même un petit peu compliqué, mais bon. Ouais, non, je pense pas. Moi, je dis qu'ils ont osé. Oui. Donc, ouais. Nicolas Tavares nous dit oui. Lui, pour lui, c'est pas une fake news. Non, je dirais, elle est faux. Et Mélanie Dis nous dit que c'est faux. Ils aiment quand même bien manger, quand même. Oui. Ils aiment quand même bien manger. Qui ça? Les Belges et les tout Belges. Ça, ouais, ils aiment la bonne bouffe quand même. Frites une fois, hein. Bah, il n'y a pas que des frites, mais... Il n'y a pas que ça, mais ça prend une grande part. Bon, je ne sais pas faire l'accent belge, hein. C'est la pomme de terre. Ils sont quand même très patates, hein. Ils sont quand même, hein. Ouais, bon, je ne sais pas. Ouais, non, je dirais faux quand même, parce que ça ferait... Chez vous, qu'est-ce que vous en pensez? 02 54 27 36 36, c'est le moment de nous appeler pour nous dire ce que vous en pensez. C'est vrai ou c'est faux? Ce soir, je vous offre le ballon de foot collector France Bleu Berry. Il est magnifique. 02 54 27 36 36. Est-ce que cette information est vraie ou fausse? À vous de jouer. Zoé Vess avec Control sur France Bleu Berry, ça fait partie des nouveautés du moment. 02 54 27 36 36, on vous attend. Early in the morning, I still get a little bit nervous. Fighting my anxiety constantly, I try to control it. Even when I know it's been forever, I can still feel the spin. Hurts when I remember and I never wanna feel it again. Control à l'instant à l'allemande sur France Bleu Berry. 17h-18h30. Tazonnez l'actu sur France Bleu Berry. Alors, à votre avis, qui avait raison? Est-ce que c'est Mélanie Dis ou est-ce que c'est Nicolas Tavares concernant cette information pour la branche belge et luxembourgeoise de cette chaîne de restauration rapide qui a demandé une étoile dans le guide gastronomique Michelin pour son nouveau burger, le Master Angus. Eh bien, vous avez tous suivi les indications de Mélanie 10, et c'est pour ça qu'il n'y a aucun gagnant, parce qu'elle a tort, et c'est Nicolas Tavares qui a raison, effectivement, ils ont bien demandé. Alors, Mélanie est en train de s'étrangler complètement, elle s'étouffe. Hein. Mais j'arrête pas de dire que je dis tout le temps la vérité. Eh ben non. Une première étoile dans le guide gastronomique, et oui, c'est vrai qu'ils l'ont demandé, non. Et ils espèrent bien l'avoir, et ils attendront donc cette fameuse date du 11 janvier 2021 pour découvrir si le guide Michelin décide de leur octroyer cette étoile, et si du coup cette chaîne de fast-food sera la première de toute l'histoire du guide Michelin à apparaître dans le guide avec une étoile. Ça fait mal quand même de dire ça. Oui, ça fait mal. Oui, ça pique. Surtout que quand on est un épicurien, hein, quand on aime les plaisirs de la table notamment, je peux vous dire qu'effectivement ça fait un petit peu mal. On va suivre ça de très près, hein, le 11 janvier 2021, ça va arriver très vite. On ne manquera pas bien sûr de vous donner l'information concernant cette étoile. Je vois pas comment, hein, sincèrement, ça me paraît compliqué quand même. D'autant plus sur ces chaînes de fast-food, la plupart du temps, il n'y a pas vraiment de cuisiniers. Hein, ce sont des jeunes à qui on apprend, contre qui j'ai rien, oui, évidemment. De passage. Mais à qui on apprend rapidement à empiler du pain, du fromage, de la viande et de la sauce et de refermer le couvercle. 7 minutes maximum. Exactement. Bon, j'ai un petit peu de mal à me dire que ça pourrait donner lieu à une étoile, mais je sais pas. Bah, s'ils arrivent à l'avoir, moi je vais demander une étoile pour mon bœuf bourguignon, hein, quand je vais le cuisiner. Ah ben voilà, quitte à avoir de la pub dans le guide Michelin, alors, je vais la demander pour mon bœuf bourguignon. Hein. Ce qu'on fait avec Nicolas Tavares, on vient goûter le bœuf bourguignon en prochain soir. Hein, et avec Antoine également qui réalise cette émission, il n'y a pas de raison, hein, on va l'amener avec nous. Et puis on vous dira, Mélanie. Si mais quand je fais à manger, je fais pour 15. Alors. Bon, déjà quand elle chante, elle nous met des étoiles dans les yeux. Donc. Oh, c'est mignon. Hein, c'était joli ça. Allez, à tout de suite. S'il arrive quelque chose à la voiture d'Arnaud, professeur des écoles, alors GMF lui prête sans surcoût un véhicule de remplacement si le sien est immobilisé. GMF, premier assureur des agents du service public. GMF, assurément humain. Conditions de l'offre et du contrat Autopass sur gmf.fr ou en agence GMF. Et voilà, vous avez 40 ans. Et chez Atoll, on sait que vous avez la vue qui baisse. Alors si vous êtes né avant 1978, venez tester gratuitement votre vue chez l'un de nos 740 opticiens. Atoll, mon opticien. Ce test n'est pas un examen médical. Ceci est un message de l'établissement français du sang. En raison de la Covid-19, le niveau des réserves de sang est exceptionnellement bas. Depuis plusieurs mois, la crise sanitaire mobilise l'ensemble des personnels de notre système de santé. Nous les avons applaudis. Plus que jamais, nous les soutenons. Aujourd'hui, c'est à votre tour de prendre le relais en donnant votre sang. Pour savoir où donner, rendez-vous sur notre site internet. France Bleu Berry, votre radio. Le temps pour demain, avec pour la journée donc du jeudi 8 le matin, une ambiance plutôt grise et humide, des nuages qui dominent et qui donnent même de petites pluies éparses jusqu'en milieu de journée sur la Champagne berrichonne ainsi que sur l'ouest du département. Faudra attendre l'après-midi, voire même presque la fin d'après-midi, hein, pour que le soleil soit de retour avec des éclaircies souvent assez belles et des températures qui vont grimper de 18 à 19 degrés. Rolling the Deep, c'est Adèle tout de suite sur France Bleu Berry. Dans un instant, le retour des Tazons. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. France Bleu Berry avec Rolling in the Deep à l'instant. Le sillon des Tazons. Un peu plus près des Tazons pour finir la journée. Nicolas Tavares. Mais quelle voix! Mais quelle voix! Non. Je voudrais rencontrer celui qui a fait ça. Oui? Bah écoutez. Il est en face de nous, c'est ça? C'est un peu ça, oui. Bravo. Bah écoutez, bravo. Merci. Il fallait oser. Bah ouais, mais j'ai pas osé que celui-là, j'en ai fait plein. Vous en entendrez d'autres. Bientôt le concert. Voilà. J'ai fait du Dave aussi. J'ai fait du. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait plein de trucs. J'ai fait du Renault également, mais vous aurez l'occasion d'en écouter. Pour l'instant, on va quand même s'intéresser à ce qui est le plus important, c'est-à-dire notre sillon du soir. Et c'est le doublé ce soir. Donc vous êtes tombé un soir compliqué. Oula. Et ouais, parce qu'il va falloir trouver non seulement une erreur, mais en plus l'adaptation d'une chanson. Donc ça veut dire que c'est pas un plagiat, hein, je dis bien adaptation, c'est-à-dire que c'était prévu, il y a pas de souci. Mais de qui et de quelle chanson s'agit-il? C'est un boulot donc pour vous, hein, Mélanie Dis et Nicolas Tavares. Et vous aussi, vous jouez avec nous également chez vous avec la chanson. Qui est ce grand corbeau noir? Ça vous dit quelque chose ou pas? Oui. Oui. Bon, déjà ça dit quelque chose à Nicolas Tavares. C'est une chanson de celle que je connais. Oui. Johnny. Non, alors c'est pas celle-là. Donc, qui est ce grand corbeau noir? C'est une chanson de Ringo sur des paroles de Étienne Renagil. Elle est sortie en 1979. Ouvrez bien les oreilles parce que c'est maintenant qu'il faut trouver l'erreur. Je suis branché sur un réseau de symphonie, sur la musique que les gens n'écoutent par ici. Je peux pas dire que ça m'éloigne de mes soucis. Changer la chaîne. Ça vous parle, ça, quand même, hein. J'ai l'impression qu'elle bouge beaucoup. L'adaptation, oui, sans problème. Alors, l'adaptation, c'est qui déjà l'adaptation? Alors, le nom du groupe, je sais pas, mais Video Kills The Radio Star. Ouais, c'est ça, c'est le titre, effectivement. Alors, qui chantait ça déjà? Ah, ouais, bah, il faut trouver. C'était quasiment la même année, en plus. Et alors, donc, l'erreur également qu'il faut trouver pour le coup. Bah, qu'il ait fait la reprise. Oui, alors. Elle était bonne, celle-là. Ça, j'avoue qu'elle était même très bonne. J'aurais pas osé la faire, mais c'est vrai qu'elle est bonne. C'est pas faux, parce que, franchement, et puis en plus, ça n'a rien à voir avec le texte, ce que veut dire le texte en français, ouais. des Buggles, parce que c'est de voilà, les Buggles. Voilà. Ah, voilà. C'est de ce Merci. Groupe dont il s'agit. Alors, et l'erreur, vous l'avez captée ou pas l'erreur? Je crois que je l'ai captée, mais. Alors? Vas-y. Mélanie? De mon hublot? Eh ben oui. De mon hublot? De mon hublot, c'est pas la peine. Il m'avait perdu déjà. Voilà. De mon hublot, ça suffit largement. La liaison, c'est pas la peine plus. Donc, quant à l'adaptation, il s'agit donc effectivement de Video Killer Radio Star, des Buggles, un duo constitué de Jeff Down et Trevor Horn, formé en 77, séparé assez vite, hein, en 1981. La chanson a été quand même classée numéro 1 en Angleterre, où elle a connu un grand succès. En France également, où elle s'est vendue à plus d'1 212 000 exemplaires, ce qui est pas mal, hein. Il s'agit par ailleurs du 41e single le plus vendu de tous les temps en France. Elle est indémodable, cette chanson. C'est incroyable, et c'est vrai qu'on l'aime à chaque fois. Alors, je vais vous faire écouter quand même le petit montage que j'ai opéré entre un coup Ringo et un coup Buggles. Écoutez. Ah. Changer la chaîne. Oui, bon, on va changer la chaîne, justement. Alors, donc, du coup, alors Ringo parle lui d'un grand corbeau noir. Enfin, c'est un peu du grand n'importe quoi. Il voit plein de monde de son hublot, etc. Alors que les Buggles parlent de radio, très concrètement, du métier qu'on est en train de faire là. Ils parlent de la radio à cette époque-là. Et l'arrivée des clips. Il a bien fonctionné. Et l'arrivée des clips, ouais. Effectivement, Nicolas Tavares, je vois que c'est un connaisseur. Donc voilà, j'avais envie de mettre ça un petit peu en avant et en exergue aujourd'hui dans le sillon des tasons. Au tout début, son producteur, Claude Carrère, par superstition, a affublé Ringo du pseudo Ringo Willy Cat, qui comporte 13 lettres, hein, c'est pour ça qu'il l'a appelé comme ça. Mais dès la sortie du premier 30 cm, il fait disparaître le Willy Cat qui commençait à faire l'objet de quelques plaisanteries douteuses que je ne vais pas du tout vous expliquer ici. Je pense que vous aurez compris par vous-même. Voilà, merci beaucoup. Je tazone, tu tazones, vous tazonnez sur France Bleu Berry. Et voici Vianney qui nous parle dans cette chanson, lui, de son beau-papa, mais vraiment. Et d'ailleurs, c'est pour lui qu'il a écrit cette chanson. Vianney sur France Bleu Berry, ça fait partie des nouveautés. Retour avec nos tazons dans un instant, avec les tazons font leur cinéma, tout de suite. J'avais pas prévu d'un jour adopter mon enfant, j'ai dû surtout m'adapter. Y a pas que les gènes qui font les familles, des humains qui s'aiment suffisent. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, prends ma main de beau papa. Je t'attendais pas. La place du premier qui t'a dit je t'aime. Sur ton visage, on voit son visage et c'est ainsi que tu es belle. De vous à moi, c'est moi, j'avoue, qui me suis invité dans sa villa, dans la vie où elle n'a rien demandé. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, prends ma main. Adopté en vérité nue, c'est toi qui l'as fait. Y a pas que les gènes qui font les familles du moment qu'on s'aime. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, prends ma main. Vianney sur France Bleu Berry avec beau papa à l'instant. Les tazons font leur cinéma. Alors, comme chaque soir, on se fait une toile, on va voir si nos tazons vont de temps en temps au cinéma. Alors, pas forcément ces derniers temps, hein, les extraits datent un peu, mais j'ai deux illustrations sonores à vous soumettre. Vous devez me dire, Mélanie Dis et Nicolas Tavares, le titre du film et au moins le nom d'un acteur. Voici le premier extrait. Dans 5 minutes, elle va chialer. L'émotion la submerge. On peut savoir comment tu fais? Pourquoi faire? Ben pour avoir autant de pognon, par exemple. J'ai beaucoup de poches. Mais le pognon, il faut le prendre là où il est, gros digo. Il y en a partout. Ça ruisselle dans les caniveaux. Fais comme moi, t'as qu'à te baisser. Ça te fatigue de te baisser? T'es fragile des lombaires? Alors, est-ce qu'il est fragile des lombaires? Qui est fragile des lombaires? Michel Blanc avec Depardieu. Michel Blanc avec Depardieu, ouais. Bravo. Mais bravo. Quel film? Bah, Tenue de soirée. Ben bien sûr, bravo, ah. Génial. Même pas eu besoin des 10 secondes. Pour ma défense, moi j'ai dit que j'étais pas née. Alors, Tenue de soirée avec... voilà. Mais je suis très mauvaise perdante. En 1986? Sûr? Ah, j'avais un an. Bon, ben. C'est né. Bon, c'est né. C'est né. C'est bon. Comme il y va, quand même. Nicolas Tavares, la grève. Non, quand même, t'es censé connaître les trucs. Alors, Tenue Soirée est une comédie dramatique française écrite et réalisée par Bertrand Blier, qui est sortie effectivement en 86. Lorsque, maintenant, on sait qu'elle est née en 85, mais elle est 10, c'est l'avantage. Avec Miu Miu, Michel Blanc, Gérard Depardieu, Jean-Pierre Marielle, Mylène de Mongeau, notamment. Et après les valseuses et préparez vos mouchoirs, le nouveau tandem de Pardieu Blanc formé dans ce film permet au réalisateur d'explorer un petit peu d'autres aspects hein, d'une relation masculine entre deux acteurs, parce qu'il y a un petit rapprochement entre Depardieu et Michel proches, Blanc. Proches. Voilà, ils sont proches, oui. Essentiellement au travers du thème de rapport dominant-dominé. Dans ce film, faut savoir qu'au départ, c'était pas du tout Michel Blanc qui devait jouer ce rôle-là. C'était pour la suite des valseuses, Patrick Devers normalement qui devait être là. Et puis bon, on sait ce qui s'est passé entre temps. Et donc, fatalement, il est obligé de se tourner vers un autre acteur. Au départ, c'était aussi Bernard Giraudot, mais qui était trop occupé à l'époque parce qu'il tournait déjà pas mal. Et donc, au final, ça a été Michel Blanc. Et c'est plutôt pas perdu au change. C'est plutôt pas mal. Exactement, on n'a pas perdu au change. Gros succès hein, pour ce film qui restera deux semaines en tête du box-office à Paris avec plus de 823 433 entrées quand même. Ah ouais. Uniquement dans la capitale et plus de 3 200 000 entrées quasiment dans toute la France. Voici le deuxième extrait. Traditionnellement, on ne montre jamais la robe avant le mariage. Il paraît que ça porte malheur. Enfin. Nous avons choisi l'église. La cérémonie aura lieu à Saint-Ernestine de Louvois. Oh, la bonne nouvelle. Ouais, je pense que Mélanie Oui. Je l'ai regardé il y a pas longtemps en plus. Ah, ce film, tellement je l'adore, je m'en lasse pas. C'est Les Trois Frères. Ah oui, c'est Les Trois Frères. Avec Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus. Eh ben évidemment, je me doutais bien que ça allait être simple, mais je me suis dit allez, on va quand même se faire plaisir. Les Trois Frères, un film qui réunit évidemment le trio comique des inconnus, qui a été réalisé par deux d'entre eux, hein, Didier Bourdon et Bernard Campan. Sorti en 95, donc vous aviez 10 ans. Maintenant que j'ai la référence, ça y est, j'ai dit, on retrouve également Elise Moon dans la distribution, notamment. Alors, vous souvenez peut-être de Michel Berthaud dans ce film, qui jouait le rôle du greffier. Ah oui, ça vous parle ou pas, Michel Berthaud? L'huissier. Non, le film parle l'huissier. Pas trop. Qui a quand même une, ouais, l'huissier, ouais. Non, pas l'huissier. Non, pas l'huissier. Oui, le greffier. Le greffier, oui. Lorsqu'ils sont au tribunal. Ah, à la fin. Là, il y a un blanc, là. Non, je pensais plutôt. Eh ben, c'est pas grave. Non. Alors, il faut savoir qu'à la fin du film, le cuisinier de l'orphelinat les appelle les rois mages. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Oui, correct. Eh ben, c'est le nom du film qu'ils vont tourner 6 ans plus tard. Donc, je sais pas si c'était déjà une idée qui était dans leur tête à cette époque-là. Et au début du film, la personne que reçoit Pascal Latour en entretien d'embauche n'est autre, figurez-vous, que Théo Légitimus, le père de Pascal Légitimus, dans le film, tout le monde ne le sait pas. Voilà, c'était pour la petite histoire. Il y a eu une suite, hein, des Trois Frères. Oui, il y a une suite. Les Trois Frères, le retour, sorti en 2014. Bon, la petite. Ça n'a pas été formidable. Ouais. Non, il n'est pas extraordinaire par rapport au premier. Le premier, il était tellement fort en même temps. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il était. On perd pas sur toute la longueur du film. On perd pas du tout l'humour, donc. Allez, on y va parce que. Oui, je parle trop. J'ai mon petit gars là-bas, de l'autre côté de la vitre, Antoine, qui me dit, faut y aller, mon garçon. Bien, chef, on y va. On y va. Vous écoutez l'Happy Hour. Et dans moins de 9 minutes sur France Bleu Béarn, on va retrouver Gaël Fontenay pour l'information et le journal complet. Et puis la suite de l'Otazon jusqu'à 18h30. À tout de suite. France Bleu, c'est l'Happy Hour. Aventures humaines, réussite et fierté ont un rendez-vous sur France Bleu. Une heure en France. On apprend toujours quelque chose dans Une heure en France. Je ne savais pas, moi, qu'il y avait une découpe française pour la boucherie, Denis. Un jeune boucher veut inscrire au patrimoine immatériel de l'UNESCO la découpe. Vous connaissez l'araignée ? L'araignée, la petite bête, on en a déjà parlé la semaine dernière. Non, le morceau de viande ou le chute à la noix. Ah, ça, c'est vrai que c'est bon. Et c'est typiquement français ? Un plat de côte ? Ça aussi, j'imagine. Frédéric Le Ternier, Denis Faroux, Une heure en France sur France Bleu, demain dès 13h. Oh, ma femme ne voudra jamais le croire. Un détail tout bête, mais je suis bien obligé de tout vérifier. Vous écoutez France Bleu Berry. C'est peut-être le moment de nous appeler au 02 54 27 36 36 pour la nuit du polar. France Bleu. Vous recherchez un emploi, une formation, un stage et vous avez la banane? Les rendez-vous compétences emploi du Centre Val-de-Loire vous invitent au salon virtuel 2000 emplois, 2000 sourires, les 8, 9 et 10 octobre. Novateur, original et résolument festif, cet événement a pour objectif de permettre une véritable rencontre entre les jeunes, mais aussi les moins jeunes, les entreprises et les organismes de formation. En mode virtuel, allez à la rencontre des entreprises qui embauchent, participez à des ateliers. Info sur 2000 emplois, 2000 smilesourires-virtuel.com. France Bleu Berry. La musique, la musique. Comme vous l'entendez. L'infotrafic et mobilité en temps réel sur France Bleu Berry. On fait la route ensemble, on jette un coup d'œil sur le réseau routier autoroutier du Berry. Sur, pour l'instant, l'A20, vous notez toujours pareil, hein, cette réduction du nombre de voies entre l'aire des Avionneurs et Brion. Et vous restez donc prudent et vigilant et vous respectez bien la signalisation en place à hauteur de cette réduction du nombre de voies. Infotrafic et mobilité en temps réel avec Meubles Serron Cuisine. Cuisine équipée de fabrication française. Esprit cuisine tradition, urbain et zen. À Cap-Sud-Saint-Maur. France Bleu Berry, le chiffre du jour. Oui, c'est chaque matin sur France Bleu Berry avec Thierry Truquet. Il vous donne un chiffre, vous le retenez, vous nous le répétez le soir à 17h50 et vous repartez avec des cadeaux. C'est le moment ou jamais, si vous vous en souvenez, de nous le restituer d'ici quelques minutes. 02 54 27 36 36. Le chiffre du jour, vous l'avez toujours en tête, c'est le moment de nous le restituer. 02 54 27 36 36. France Bleu Berry. Ça fait partie des nouveautés, on adore ça. Voici Aliel avec Ce qui nous rend fou. France Bleu craque pour Aliel. En ce moment dans votre playlist 100% France Bleu. Bonjour France Bleu, c'est Aliel. Je suis ravi de vous faire découvrir ma nouvelle chanson, Ce qui nous rend fou. J'en ai marre de regarder les heures défiler. Marre de voir mon idée du bonheur se défiler. Et mes idéaux sous silence refont surface comme un rodéo. Je me lance à pile ou face, quitte à tomber de haut sans un sou mais avec classe. Je prends la vie avant qu'elle passe. Qu'est-ce qui nous rend fou, qui fout le doute à coup de pourquoi. Ce truc de fou qui tourne en boucle, mais qu'est-ce qui nous rend fou, qui fout le doute quand nos cœurs parlent. Ce truc en nous, faut qu'on l'écoute avant qu'il soit trop tard. J'ai vu trop de gens sur mon parcours. Les sorties de secours annoncées. Et mes idéaux, mes démences en surface me font tomber de haut. La vidéo, ça laisse des traces. Mais comment tourner le dos à ce qu'on est devant sa glace. Je prends la vie avant qu'elle trace. Qu'est-ce qui nous rend fou, qui fout le doute coup de pourquoi. Ce truc de fou qui tourne en boucle, tourne en boucle. Mais qu'est-ce qui nous rend fou, qui fout le doute quand nos cœurs parlent. Ce truc en nous, faut qu'on l'écoute avant qu'il soit trop tard. Mais qu'est-ce qui nous rend fou, fait qu'on passe à côté de ça. Ce truc en nous qui tourne en boucle, tourne en boucle. Et qu'est-ce qui nous rend fou, qui fout le doute à coup de pourquoi. Ce truc de fou qui tourne en boucle, tourne en boucle. Qu'est-ce qui nous rend fou, qui fout le doute à coup de pourquoi. Ce truc de fou qui tourne en boucle, tourne en boucle. Et qu'est-ce qui nous rend fou, qui fout le doute. Ce truc en nous, faut qu'on l'écoute avant qu'il soit trop tard. Ceux qui l'auront fou à l'instant, Aliel sur France Bleu Berry. Allez, direction Déol pour aller voir Christine. Bonsoir Christine. Bonsoir. Comment ça va Christine? Oh bah ça va. Mais bon. Je trouve que la chanson correspond bien à la réponse. La chanson correspond bien à la réponse. Ah bah écoutez, oui. Alors ça veut dire, expliquez-nous. Eh ben, gagner 50 000 euros comme ça, je trouve que c'est génial. Ça peut nous rendre fous, quoi. C'est ce que vous voulez dire, en fait. Voilà. Très bien. Eh ben, en tout cas, c'est la bonne réponse, Christine. Donc, bravo. Je vous voulais quand même vous présenter Mélanie Dis et Nicolas Tavares, qui sont mes invités ce Bonsoir, soir. Bonsoir Christine. Bonsoir. Enchantée. Et je vous offre avec grand plaisir, Christine, le livre de Renaud, à la fois Gavroche, Bouson Noir, copain de bistrot, artiste sensible, chanteur éberlant. Vous le connaissez évidemment, hein. Il n'y a pas de souci. Et voilà, vous allez pouvoir vous replonger dans son univers, sa vie et son œuvre. Renaud Séchant, on vous offre ce magnifique livre avec grand plaisir, hein, Christine. Ben merci beaucoup. Je vous embrasse, passez une belle soirée. Merci pareillement. Très vite, et puis on va saluer également Cédric de Sainte-Lizaigne qui nous a appelé quand il a entendu le petit jingle concernant la nuit du polar et qui repart lui avec le t-shirt en édition limitée de cette 7e édition de la nuit du polar et puis avec un livre également des éditions Blackberry. France Bleu, partout en France, la radio des Bleus. La radio des Bleus. En route vers la Ligue des Nations. Après deux matchs et deux victoires, troisième rencontre contre le Portugal, tenant du titre, en intégralité sur France Bleu. Dimanche, dès 20h30. France Bleu, la radio des Bleus. Églantine Émeillée. On se parle dans le creux de l'oreille, c'est quand même quelque chose de très intime. Aime la radio. On est en prise avec l'actualité aussi. C'est du quotidien, c'est du direct. Et elle a choisi France Bleu. Pas faire mieux, c'est une radio qui est ancrée localement partout dans les régions. France Bleu, c'est la radio du quotidien des gens. C'est déjà demain, avec Églantine Émeillée, que vous posiez vos questions à tous les experts que je vais recevoir chaque jour, qui vous aideront à aller bien dans votre vie, au quotidien et demain surtout. Chaque jour à 15h, uniquement sur France Bleu. Marie, infirmière, ne peut pas se permettre d'être en panne. C'est pourquoi GMF dépanne votre voiture 24 heures sur 24, même en bas de chez vous. GMF, premier assureur des agents du service public. GMF, assurément humain. Conditions de l'offre et du contrat Autopass sur gmf.fr ou en agence GMF. Et voilà, vous avez 40 ans. Et chez Atoll, on sait que vous avez survécu à la Macédoine de la cantine, à des expressions craignos.